Siatula! Siatula allove! Ben appunto mon pito, eh! Alors, merci beaucoup, Papa Wemba. Vieux oyo kombo na ye, yasika, elombe, vieux piton. Azali nyoka oya, ou ta yoko soa mwana moko akuli dernièrement. Eloba ye moko. Nazamo toyo, talaka. Naba sen via saliawa. Vraiment, quelque part, photos à la reconnaissance, reconnaissant. Vraiment, ils ont la qui s'acquiert, tout l'ingana, bah, polémique, c'est rien. Bientôt, on a son amboka pour n'appeler sa nouvelle Yamikili. En entendant, on a bête la bino li solo. Oh, y'a où t'es, go, l'égana qui s'assa. Bile, moi, voyez, bina qui s'assa. N'est-ce que tu me sens à goli en abisso, tout lié. Tous huité, ma casse na maï, nzambe kaka zo bate la biso. Sikoyo, tata moko, alataka niopi, linette, dans le PC. Tata wana, mokolo mousso avouandi, abimisi mongo atindi kwanga nambisi a la mer. Bilo mongo boyebi système e koma na kisasa, tomesana otinda mwana, batsa pilipili. Tinda mwana lipa, batia pilipili. Tinda mama kayabu, batia pilipili. Donc, comme comme habitude, plimentaire, excusez-moi le terme, c'est mignon dans. Oh, quel français, hein? Ça te l'a allové. Revenons à nos vaches. Ah, pour toi, l'engin en français. Mikolo Moussou, dans ce monde, on a pour toi, on a rien en français. Mais bana na bango boko yiko solate ya noki noki. Tu pars où papa? Tu reviens maintenant ou tu pars maintenant? Quel tonanté? Angai vraiment. Vous allez fort vous vous intégrer les rangoyo. Oh la putain! Hey, c'était là l'homme. Applaudissez s'il vous plaît. Revenons à nos vaches. Tata a tini poisson de mer. Tu mets ça dans mes yeux, langa moutou. Parce que moutou est un peu gonflé. Roko oumé la nabageste. Alors, avant de naïe boye, moi na kei, asomi mbisi, aye nango. Tiens, on a san. Pour la Kinshasa, ce qu'on suit dans Yopolia, il faut aller un peu dur, ferme, pour éviter les dérangements inutiles, les sengueries. Tata a eu l'habitude à Kanye Longi, à Kanye Longi, il a eu l'habitude à Kanye Longi. Or que, tant que je suis ambitieux à la mer, je suis mukeboy, na kuanga ya munene, suniopi. Yazo monango tolombis. Voilà. Azo katelango pe na position ya mon neune. Mais ce qui commet une assiette, ils ont raté. C'est la raterie. Alongo li lunettes. Ata la boye. À regretter, à zoler la caca. En tout cas, nous avons la possibilité, si c'est la bino en gros, mais prochainement, le temps, en tout cas, pour remercier Ngamingi, n'est-ce pas Kati en gros. Prochainement, nous allons aller sur notre papa, na Olympia, na vieux piton. Nyoka, comme on a dit tout à l'heure, naba nyoka, donc aza, mutuo, aza décidé, de quel terme na ko employé na poto na ko sabango gromo niniao. Donc c'est blabissante. Voilà. Merci na remercier Titinzo Sophie m'avantage. Merci vous mbutanganga pour la kermesse ya Jozo Kongolo. Merci. Donc très amis, nous sommes coincés par le temps. Place maintenant à la place maintenant. Place maintenant à l'orchestre Biba la musique. Merci. C'est à tout là, Lobert.